Avant de commencer, nous voulions vous dire que notre petite série, L'Aventure de Noël, vous est offerte par ribambelle.com, le site des activités en famille. Bon épisode! Les petites histoires de Tell Me. L'aventure de Noël. Le renne contrarié. Les rennes du Père Noël forment une unité d'élite. Sans eux, impossible de livrer des millions de cadeaux en une seule nuit. Fonceur rêve d'en faire partie aux côtés de Fury, son papa. Mais chaque année, malgré ses efforts, on ne cesse de lui répéter qu'il n'est pas prêt. Fonceur n'étant pas du genre à se décourager, il décide de parler à Tabod, le lutin chargé de veiller sur les rennes. « S'il te plaît, Tabod, donne-moi une chance !»« Tu as encore beaucoup à apprendre, comme maîtriser l'énergie qui te permet de voler ou te poser sans faire le moindre bruit. » Une cloche interrompt leur discussion, signal du début de l'entraînement. L'air maussade, Fonceur rejoint ses camarades et sans entrain suit les directives de l'équipe de Tabod. Dès que les lutins ont le dos tourné, ils s'éclipsent. Alors qu'ils broient du noir, au détour d'un couloir, l'étrange lueur d'une très jolie pierre verte attire son attention. Elle est suspendue à une magnifique chaîne, noire comme la nuit. Une petite voix l'interpelle. « Ramasse ce collier et Tabod acceptera de te prendre dans son équipe. « Vraiment ?»« Vraiment ! Je suis un génie des neiges. Je suis là pour t'aider. » Se disant qu'il n'a rien à perdre, le jeune renne saisit le collier qui se coince dans ses bois. Une assurance féroce chasse alors sa mélancolie. Sûr de lui, il retourne voir Tabod. En arrivant, il l'entend discuter avec son papa qui semble très mécontent d'apprendre que son fils sèche l'entraînement. La petite voix résonne de nouveau dans sa tête. « Ils vont te punir !»« Non, ils vont m'écouter. »« Tu parles ! Avec leurs règles idiotes, ils vont t'empêcher d'atteindre ton rêve. Tu le sais aussi bien que moi, tu ne feras jamais partie de l'élite. » L'amertume et la colère jaillissent brûlantes de son cœur. C'est décidé. Il va partir loin de ses menteurs. Il fonce à travers les couloirs et, une fois dehors, s'envole à toute vitesse, les yeux pleins de larmes. Son père essaye de le rattraper, mais juste avant qu'il n'y parvienne, Fonceur disparaît dans un bang assourdissant. Le petit renne réapparaît au beau milieu d'une rue, cernée par d'étranges bâtiments bien plus grands que le chalet du Père Noël. Un coup de klaxon éclate, suivi de crispements de pneus. Terrifié, Fonceur s'en mêle les pattes et s'écroule. La voiture s'arrête à un cheveu de sa tête. Le renne se relève d'un bond, part en trombe, saute pour s'envoler, mais s'écrase sur le bitume. La petite voix résonne à nouveau, faussement compatissante. « Mon pauvre, tu n'as plus d'énergie. Tu ne pourras jamais plus rentrer chez toi. Tu vas finir dans les assiettes des humains. Fuis !» Paniqué, le petit renne déguerpit. Le bruit et l'odeur de la ville, mêlés aux cris de panique des humains, lui donnent le tournis. Hors d'haleine, il finit par trouver refuge dans un jardin silencieux. Malheureusement, deux enfants font irruption. Tout le monde se fige, se jauge. Soudain, Baya s'écrie. « Regarde ces bois, Léo! C'est le même collier que celui de Kilibien !» La petite voix retentit, furieuse. « Ils vont te faire du mal! Attaque en premier !» Fonceur se cabre, furieux. « Laisse-moi tranquille !» En entendant hurler Fonceur, les mâchoires de Léo et Baya manquent de se décrocher. Il agite frénétiquement la tête avant de les supplier. « Aidez-moi, s'il vous plaît !» Non sans mal, les enfants parviennent à jeter le maudit bijou à terre. Un coup de sabot le brise en mille morceaux et un petit nuage de fumée verdâtre s'en échappe. Tout se calme. Fonceur raconte alors sa mésaventure. Baya et Léo sont tout épatés. Une idée vient à l'esprit de Léo pour aider le renne. On n'a qu'à écrire une lettre au Père Noël, mais ce sera un message pour ton papa. Quelques poignées de minutes plus tard, la lettre est postée. Les amis n'ont pas le temps d'échanger qu'un énorme bang retentit au loin. Une fraction de seconde plus tard, un magnifique renne se tient au milieu du jardin avec Tabod sur son dos. Fonceur se précipite vers son père. Tout est expliqué, mais le mystère reste entier. Qui se cache derrière le collier? Le lutin jure de tirer cela au clair, Baïa et Léo aussi. Le lutin et les deux reines ne tardent pas à s'envoler, laissant les deux enfants dans le jardin, émerveillés par leur aventure du jour. C'était un épisode de l'aventure de Noël. À demain pour le prochain.